Bonjour et bienvenue dans cette méditation transcendantale pour vous aider à vous connecter au divin. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme et paisible. Fermez doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous détendre. Laissez aller toutes les tensions de votre corps, de vos muscles, de votre visage. Prenez conscience de votre respiration, de l'air qui entre et sort de vos narines. Inspirez profondément et expirez lentement. À chaque expiration, sentez votre corps s'enfoncer un peu plus dans la relaxation. Connexion à la Terre. Imaginez des racines partant de vos pieds, s'enfonçant profondément dans la terre. Sentez la connexion avec la terre-mère. Son énergie qui vous nourrit et vous soutient. Visualisez cette énergie terrestre montant à travers vos racines, remplissant votre corps de force et de stabilité. Imaginez-vous debout au bord d'un lac calme et paisible, entouré de montagnes majestueuses qui s'élèvent vers le ciel. Respirez profondément et laissez partir tout stress et toute tension qui vous habite. Vous êtes prêt à vous embarquer dans un voyage intérieur pour vous connecter au divin. Ouverture du cœur. Portez maintenant votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière douce et chaude qui émane de votre cœur, se répandant dans tout votre corps. Cette lumière représente l'amour et la compassion que vous portez en vous. Laissez-la grandir et se développer jusqu'à ce qu'elle remplisse tout votre être. Ressentez cet amour et la compassion qui se développent en vous. Ouvrez votre cœur à l'univers, à toute la création. Connexion au cosmos. Maintenant, imaginez que vous vous asseyez confortablement sur le bord du lac, les pieds dans l'eau. Vous vous sentez léger, libre et détaché de tout attachement terrestre. Visualisez une lumière blanche descendant du ciel, vous enveloppant de sa douce lumière. « Laissez cette lumière céleste pénétrer chaque cellule de votre être, vous purifiant et vous élevant. Imaginez que vous flottez dans l'espace, entouré d'étoiles scintillantes et de galaxies lointaines. Ressentez la connexion avec le cosmos, avec l'infini de l'univers. Ressentez la paix et la sérénité de l'univers qui vous entoure. Répétez à voix basse, ou dans votre cœur, le mantra suivant. Je suis un avec l'univers. Répétez-le plusieurs fois en vous laissant porter par la vibration de ces mots. Vous commencez à vous sentir connecté à quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes prêt à vous laisser guider par votre intuition et votre cœur. Fusion avec le divin. Laissez les frontières entre vous et l'univers se dissoudre. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre corps et que vous voyez votre âme comme une lumière brillante. Vous voyez votre âme comme un reflet de la divinité qui est en vous. Vous vous sentez fier et honoré de porter cette lumière en vous. Maintenant, imaginez que vous vous dirigez vers un temple intérieur où vous vous sentez en sécurité et en paix. Vous entrez dans ce temple et vous voyez une grande statue de lumière qui représente le divin. Vous vous sentez attiré vers cette lumière, comme si vous étiez appelé à vous y connecter. Imaginez que vous vous asseyez face à cette statue de lumière et que vous vous sentez baigné par sa présence. Vous commencez à ressentir une grande paix, une grande sérénité et une grande unité avec tout ce qui existe. Vous vous sentez connecté au divin et vous savez que vous êtes aimé et soutenu. Répétez à voix basse ou dans votre cœur le mantra suivant. Je suis aimé, je suis soutenu, je suis un avec le divin. Répétez-le plusieurs fois en vous laissant porter par la vibration de ces mots. Vous vous sentez de plus en plus connecté à la source de tout. Imaginez que vous vous élevez encore plus haut et que vous voyez l'univers dans toute sa splendeur. « Vous voyez les étoiles, les planètes et les galaxies qui tournent autour de vous. Vous vous sentez partie intégrante de cet univers, et vous savez que vous êtes connecté à tout ce qui existe. Sentez-vous fusionner avec le divin, avec la source de toute création. Vous êtes un avec tout ce qui est, vous êtes amour, vous êtes lumière. Ressentez la joie et la gratitude d'être connecté à cette source infinie. Prenez quelques instants pour savourer cette sensation d'unité et de paix. Maintenant, imaginez que vous vous retrouvez à nouveau au bord du lac, mais cette fois-ci, vous vous sentez différent. Vous vous sentez plus léger, plus libre et plus connecté au divin. Vous savez que vous pouvez revenir à cet état de connexion à tout moment. Ramenez doucement votre conscience à votre corps, à votre respiration. Remuez doucement vos doigts et vos orteils, étirez-vous si vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux, en gardant en vous la lumière et l'amour du divin. Merci d'avoir participé à cette méditation paix, amour et gratitude à vous, mes amis.